quand on m'écrivit de Constance, Allemagne, en fin de l'année 1746, c'est parce qu'on entendait des soupirs, qui venaient d'un coin de l'imprimerie du sieur Lahar, conseiller de la ville de Constance. Au commencement, les garçons de l'imprimerie n'en firent que rire, mais l'année suivante on n'entendait plus de bruit qu'avant. Ça frappait rude contre la muraille, dans le même coin où on avait entendu les soupirs. Ça en vint même jusqu'à donner des soufflets aux imprimeurs, et jeter leurs chapeaux par terre. Ils eurent recours aux capucins. Ils vinrent avec les livres prévus pour exorciser et s'en retournèrent. Le bruit cessa pendant 3 jours. Au bout de ce terme, le bruit recommença plus fort qu'avant, et l'âme jetait les caractères d'imprimerie contre les fenêtres. On fit venir de l'extérieur un exorciste réputé, qui exorcisa l'âme pendant 8 jours, durant lesquels elle donna un soufflet à un jeune garçon, et de nouveau les caractères d'imprimerie étaient jetés sur les vitres. N'ayant pu rien faire, l'exorciste étranger s'en retourna chez lui. L'âme continua à donner des soufflets aux uns, à jeter des pierres et autres objets aux autres, en sorte que les compositeurs furent obligés d'abandonner ce coin de l'imprimerie, et se rangèrent au milieu de la pièce. Mais ils n'y furent pas plus en repos. On fit donc venir d'autres exorcistes, dont un qui avait une particule de la croix qu'il mit sur la table. L'âme ne se laissa pas d'inquiéter, et souffleta si violemment le frère capucin qui accompagnait l'exorciste, qu'ils furent tous deux contraints de se retirer dans leur couvent. Il en vint d'autres qui mêlèrent une grande quantité de sable et de cendres, dans un seau plein d'eau, puis ayant béni l'eau, ils en aspergèrent dans toute l'imprimerie, et en répandirent aussi sur le pavé. Puis les assistants se mirent à frapper l'air avec des épées, à droite à gauche, dans toute la pièce, pour voir s'ils pourraient atteindre le revenant, et voir s'il laisserait quelques traces de ses pieds sur le sable ou sur la cendre qui couvrait le pavé. Enfin on remarqua sur les angles, des traces de pieds et de mains, imprimées là, et on s'aperçut qu'il s'était perché sur le haut du fourneau. On vint à bout de le dénicher de là, et on s'aperçut bientôt qu'il s'était glissé sous la table, ayant laissé sur le pavé des marques de pieds et de mains. À cause de la grande poussière qui s'était levée, par tous ses mouvements dans l'imprimerie, on cessa de le poursuivre. Et chacun se dispersa. Le principal exorciste avait arraché un axe, de l'angle d'où le bruit s'était fait entendre, et trouva un trou dans la muraille. Il y trouva des plumes, et 3 os, enveloppés dans un linge sale, des morceaux de verre, et une aiguille de tête, épingle à cheveux. Il baignait un feu qui fut allumé là, et jeta le tout. Mais à peine rentré dans son couvent qu'un garçon de l'imprimeur vint annoncer aux religieux que par 3 fois, l'aiguille de tête s'était d'elle-même tirée des flammes. Le garçon qui remit l'aiguille dans le feu, à l'aide d'une pincette, fut frappé avec violence sur la joue. Le reste de ce qui avait été trouvé fut rapporté au couvent des Capucins et brûlèrent sans résistance. Cependant, le garçon qui les apporta dit avoir vu une femme nue dans la place publique. Ce jour-là et les suivants, on entendit de grands gémissements sur la place publique de Constance. Après quelques jours, les infestations recommencèrent. La revenante donnait des soufflets, jetait des pierres, maltraitait de différentes manières les domestiques dans l'imprimerie. Le maître, sieur Lahar, reçut une grande blessure à la tête, et 2 garçons furent renversés par terre. On abandonna donc la maison durant la nuit. Un jour de dimanche, une servante qui emportait quelques linges de la maison fut attaquée à coups de pierre. Une autre fois, 2 garçons furent jetés au bas de l'échelle. Le religieux qui m'écrit se mit à exhorter ceux qui veillaient dans la maison avec lui, de mettre leur confiance en Dieu et d'affermir leur foi. Et on passa la nuit dans la maison. Sur les 10 heures du soir, un compagnon de l'exorciste se jeta à ses pieds, en larmes, et avoua avoir été envoyé avec un de ses compagnons, par ordre du sieur Lahar, consulter les bourreaux dans le Turgot, cette même nuit. mais n'avait pas parlé au bourreau. Cet aveu surprit le capucin, qui déclara ne pas pouvoir continuer à exorciser. Le père capucin fit ramasser tout ce qui se trouvait de ces objets enveloppés dans la maison, et les rapporta dans son couvent. La nuit suivante, deux domestiques voulurent passer la nuit dans la maison de l'imprimeur. Mais ils furent renversés de leur lit, et contraints d'aller coucher ailleurs. On fit venir un paysan du village d'Anostorf, qui passait pour bon exorciste. Il passa la nuit dans la maison, buvant et chantant, mais il reçut des soufflets, ainsi que des coups de bâton, et fut obligé d'avouer qu'il ne pouvait rien contre cette âme. On appela le curé de Valbur, Hollande, qui passait pour habile exorciste. Il vint accompagné de quatre curés non réguliers, et durant trois jours ils continuèrent les exorcismes, mais sans succès. Il se retira dans sa paroisse, en imputant l'inutilité de ses prières, au peu de foi des assistants. Cependant, un des quatre curés fut frappé d'un couteau et d'une fourchette, mais sans se faire blesser, et le fils du sieur l'a reçu un coup de cierge pascal sur la mâchoire, sans faire de mal. À son tour, la veuve d'un bourreau se présenta pour des exorcismes. Elle usa de fumigation ou fumée, dans tout le logis pour en chasser le mauvais. Mais avant qu'elle eût terminé, voyant le maître du logis se faire frapper au visage et au corps, elle se sauva hors la maison sans demander son salaire. On fit alors venir les bourreaux du voisinage. Deux parmi ceux qui allèrent les chercher furent battus et accablés de pierres. Un autre se sentit la cuisse extrêmement serrée, en sorte qu'il en fut incommodé assez longtemps. Les bourreaux ramassèrent avec soin tous les paquets et tout ce qu'ils trouvèrent d'enveloppés dans la maison et en mirent d'autres à la place. Mais l'âme les prit et les jeta sur la place publique. Par la suite, les bourreaux persuadèrent le sieur Lard de rentrer dans sa maison avec ses gens. Ce qu'il fit. La première nuit, durant le souper, un des ouvriers nommé Salomon fut blessé au pied avec grande effusion de sang. Quand on envoya chercher le bourreau, il parut fort surpris que la maison ne fût pas entièrement délivrée. Et au même instant lui-même reçut une grêle de pierre, des soufflets, et autres coups qui le contraignirent de se sauver promptement. Deux hommes de Constance étant entrés dans la boutique du libraire, par pure curiosité, l'un fut aussitôt renversé par terre, l'autre se sauva au plus vite. Un autre y étant entré de même, par curiosité, reçut une quantité d'eau jetée au corps. Une fille d'Osbourg, parente de l'imprimeur Lahar, en fut chassée à grands coups et poursuivie jusque dans la maison voisine, où elle se réfugia. Les infestations cessèrent le 8e jour de février 1748, après 420 jours. Ce jour-là, la revenante ouvrit la porte de la boutique et sortit en refermant la porte. Et depuis ce temps, on n'y a rien entendu.